Tous les jours me charme. T'as des femmes à qui donnerai mon âme. Avec elles j'accumule les ennemis. Avec elles j'accumule le halal. Oui on veut du vivre. C'est pas le vivre qui nous fait. Mais pour jamais je me méfie. M'en frappe un poison dans le verre. Maman je me perds dans cette vie. Les halles de la tête à me guide. Moi j'ai fait dans les récits. Mais j'ai fait du bien aussi. La misère m'assassine. Et la richesse me fascine. Oui les deux c'est pas facile. J'suis dans le soin. T'inquiète, on viendra me venger si j'me fais buter. Et si j'me tais, j'aurai des gens cachés le butin. Tu m'en veux, tu jacques sur ma vie. Vais la chaîne si tu veux mon avis. Ils sont pleins de haine et ils parlent de paix. L'hypocrisie est leur meilleur ami. Tous les jours ça se répète. Tous les jours le même casse-tête. T'as les mimes et ma faute. Et c'est vraiment ma perte. Tous les jours ça se répète. Tous les jours le même casse-tête. J'ai cru que tu m'attires. C'est moi. Mon père, il n'est pas que je me marie avec un pédale. Et en plus, sans papier. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Quel pédale? Mais ton daron, c'est un pédale aussi. Et les papiers, c'est pas un problème. C'est, on va les avoir. Je vais les avoir quand on va se marier. Et tu veux? S'il te plaît. Il n'a pas envie de se taper la honte. Il a pas envie qu'on se tape la honte. Que je me tape la honte. Ah, ça veut dire maintenant, c'est pas un pédale, c'est la honte. Écoute, c'est ça ce que tu me dis. Maintenant, c'est devenu la honte là. Tu sais très bien comment sont nos familles, tu sais très bien, tu connais mon mais père. Mais les choix, c'est toi qui les fais, c'est pas ta famille, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, j'ai pas le choix. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Tous les jours